Donc, bah, écoutez, je vais être relativement bref. C'est simplement parce que nous allons tous mourir dans d'atroces souffrances, grillés par le soleil et noyés sous le niveau d'eau des océans qu'il a monté. Voilà, pour moi, c'est fait. Je vous laisse la place. Au revoir, je vais brûler un cierge. Fabien ? Bon, ça, c'est fait. C'est un petit aparté qu'on avait prévu avec Olivier. Donc, effectivement, je suis là pour parler un petit peu du changement climatique. Pourquoi cela ? Vous avez tous entendu parler un petit peu des différents rapports du GIEC qui se renouvellent d'année en année. Et donc, la prochaine réunion, les prochaines directives du GIEC vont paraître en 2013. Il se trouve que les chercheurs français, les climatologues français, ont été les premiers à remettre à ce comité les résultats de leurs nouvelles prévisions. Je vais essayer de maîtriser, si j'ai bien compris. Alors, diaporama. Forcément, le souci technique. Oui, alors c'est le principe de deux écrans, mais d'un seul cerveau. En diaporama. Ouf. Je passe la souris à droite. Oui. Alors, il faut que je bascule ça. Elle est où ? Ah, c'est bon là. Voilà, je vais la positionner là. Et je peux la garder. Non, je ne peux pas la garder à la main. Tu peux prendre le micro. Tu peux la garder à la main pour cliquer. Ouais, c'est bon. Bien, donc je parlais du GIEC, qui est un groupement d'experts qui est chargé d'étudier le changement climatique et les impacts que ça peut avoir sur les sociétés humaines, qu'elles soient économiques ou simplement pour notre vie courante. Alors bien entendu, on va commencer par quelques généralités. Le diaporama est assez long, je l'amputerai certainement de certaines séquences, nous pourrons y revenir plus tard pendant la phase des questions. Donc vous le savez tous, le climat subit des variations naturelles, hein, liées à l'activité solaire entre autres. Donc généralement, ces variations sont extrêmement lentes. Elles se chiffrent en plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'années, voire en millions d'années. Or, on s'est aperçu depuis les années 70 qu'on avait une hausse des températures, de la température moyenne de la Terre. Il apparaît que cette hausse est à peu près équivalente à celle qu'on a connue aux époques paléométéorologique, donc des hausses de l'ordre de 4 à 5 degrés en moyenne, et c'est un peu ce que nous risquons d'avoir dans les années à venir. Attention, il ne faut pas prendre ce chiffre d'une manière intrinsèque, c'est vraiment des probabilités. Donc le GIEC, le groupement d'experts, s'est réuni pour faire plusieurs scénarios, donc des scénarios où on réussirait à stabiliser nos émissions de carbone et des scénarios où rien n'est fait au niveau mondial. Non, perdu. Je ne maîtrise pas bien le... Hop. Et la souris, voilà. Donc, pour le plan que l'on va suivre, je vais faire un bref résumé sur l'effet de serre, ce qu'on appelle le forçage radiatif, donc c'est-à-dire les émissions de chaleur en direction de l'espace. Nous allons ensuite étudier ce que l'on observe, que ce soit à l'échelle mondiale, et surtout après on va faire une descente d'échelle au niveau de la Guyane, que ce soit pour la température, la pluie et quelques autres paramètres qui seront surtout l'orage. Et enfin, nous passerons à la partie modélisation, les projections pour les années à venir. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous travaillons sur un projet qui s'appelle Explore 2070, qui prévoit d'étudier les phénomènes qui pourraient survenir d'ici ces années-là, donc d'ici 2040 et d'ici 2070.